tu as dessiné quoi là? C'est quoi ce dessin? Il fait une chirurgie esthétique en dessin, c'est pas mal ça. Ouais, il l'a même épilé. Avec son couteau. Thank you. Thank you.